Cette bouche. Close. Un son. Antérieur, peut-être. Peut-être. Sur cette pente, sur ses mains, un corps dans un temps qui se meurt. Il coule dans l'interstice de nos visions, exulte de lenteur. Problème. Sachant que nous sommes ici, situe-moi dans cet espace, au prisme, indéfini, à la croisée des champs audibles. Démonstration. Le violeur. Le voleur ne veut plus de moi. Un corps en découle, une inclinaison. Il laisse délaisse ma personne vidée de tout bruit sur cette pente. Ailleurs. Réponse. Je suis ailleurs.